Évariste Ndikoba Nyanga. Nous sommes samedi 1er octobre 2016. Bienvenue dans les chers auditrices et auditeurs de la radio Sangandelo dans ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le monde a célébré ce 1er octobre 2016 la journée internationale dédiée aux personnes les plus âgées. Le retraité militaire Bondé réclame les indemnités de pension leur cotisées à l'INSS par le ministère de la Défense et des anciens combattants depuis 1991 et dont la destination reste inconnue. Satisfaction de la part du gouvernement burundais après le jugement rendu par la Cour de la communauté est-africaine en rapport avec les élections générales de 2015. Et à Bouanza, en page éducation, les écoles à régime d'internat ne sont pas capables d'accueillir tous les élèves y orientés. Le manque de matelas et de rations est évoqué par le directeur, nous le dira dans ce journal Spes Caritas Kabanyana. Bonsoir et bienvenue à Albert Ndoye sur la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement du Burundi se dit satisfait du jugement rendu par la Cour de la communauté est-africaine en rapport avec les élections générales de 2015. Selon l'avocat de l'État, Nestor Kayobera, parmi les décisions prises par cette Cour figure celle de valider la candidature de Pierre Nkurunziza au présidentiel de 2015. Le recours a, selon cet avocat, été formulé hors délai. Nestor Kayobera nous parle ici d'autres décisions prises par la Cour de la communauté est-africaine. C'était lors d'un point de presse organisé ce samedi matin. Le forum de plus de 1000 associations de la société civile de la communauté est-africaine a déposé deux plaintes à la Cour de justice de la communauté est-africaine. L'un demanda des mesures urgentes et avant faire droit pour arrêter le processus électoral en cours au Burundi. Les répondeurs dans ces dossiers étaient l'État du Burundi, le secrétaire général de la communauté est-africaine et la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En date du 30 septembre 2016, la Cour de justice de la communauté est-africaine a rendu son jugement dans le dossier de fond et a déclaré que, premièrement, que la décision du CNDFDD du 25 avril 2015 de présenter son Excellence Pierre Nkurunziza comme son candidat aux élections présidentielles de 2015 ne peut pas faire objet de polémique, surtout qu'elle a été formulée hors délai. Que la décision de la Cour constitutionnelle du Burundi du 5 mai 2015 a été rendue conforme aux lois nationales, surtout à la Constitution de la République du Burundi, et que la Cour de justice de la communauté est-africaine n'a pas de compétence d'appel ou de révision de cette décision, et que la décision ne viole aucune disposition du traité portant création de la communauté est-africaine. Et enfin, que la CENI, n'étant pas partie au traité portant création de la communauté est-africaine, ne pouvait pas faire objet de cette plainte au moment où l'État du Burundi est régulièrement assigné. Et en conclusion, la Cour de justice de la communauté est-africaine a débouté les requérants de toutes leurs demandes relatives aux élections générales de 2015 et surtout à la candidature de son excellence Pierre Nkurunziza, car non fondée. Et la défense des intérêts de l'État du Burundi à cette cour dans les deux affaires est plus que satisfaisante. Les citoyens burundais doivent avoir confiance à leurs services et regards judiciaires internes, vus de l'œil positif par cela même de bonne foi. Nous espérons également que les dossiers judiciaires relatifs aux élections du Burundi et surtout à la candidature de son excellence Pierre Nkurunziza de 2015 sont clôturés à la satisfaction totale de la défense des intérêts de l'État à cette cour régionale. Propos recueillis par Francine Ndiokouga, justice transitionnelle à présent. La commission Vérité et Réconciliation va collaborer avec une plateforme regroupant beaucoup d'organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de justice transitionnelle. Ce vendredi, une convention de partenariat entre les deux parties a été analysée. Le président de cette commission indique ce partenariat est d'une grande importance dans l'accomplissement de la mission de la CVR. Dewa Kizimana, président de cette plateforme citoyenne, se réjouit de cette étape franchie. Obeni Nguru nous en dit plus. Le président de cette plateforme citoyenne se réjouit que les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de justice transitionnelle aient accepté de se mettre ensemble dans ce travail de recherche de la vérité. Dewo Hakizimana, qui préside aussi l'organisation CIRID, œuvrant dans le même domaine, indique que ces organisations ont un même but de recherche de la vérité. Mais c'est justement cette opportunité que nous allons analyser ensemble, de sorte que nous puissions déterminer un dénominateur commun. C'est ce dénominateur commun que nous sommes en train de chercher. Et nous sommes en train de le trouver. La collaboration est parfaite. Et ce qui est important, c'est de comprendre de la même manière que nous avons besoin de débusquer la vérité. Nous avons besoin également de savoir comment cette vérité peut conduire vers la réconciliation. Le président de la CVR fait savoir que cette plateforme a été mise en place pour faciliter la collaboration de la CVR et de ses organisations. Cet atelier a été organisé dans le but d'aider les organisations de la société civile à se constituer en plateforme citoyenne pour faciliter la collaboration et la communication entre la Commission Vérité et Réconciliation et les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, il est question que le comité de suivi et de la mise en application justement des résultats sont sortis du premier atelier. Et on avait demandé à une petite équipe de nous aider à formaliser ça et à nous préparer un texte sur lequel justement on devait réfléchir et enrichir, pour justement donner les orientations sur la manière dont nous voudrions que cette plateforme soit constituée. Concernant le travail de déposition des témoignages qui a été lancé il y a plus de 3 semaines, Monseigneur Jean-Louis Nahimana précise que ce travail est tout au début. Alors je dois dire que nous sommes encore vraiment tout au début, mais déjà avoir les 3 semaines que nous venons de passer, je peux dire que le travail est satisfaisant. Nous avons déjà plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues individuellement déposer leur témoignage auprès de la commission. Pour ce travail, le président de la CVR indique qu'ils se sont donné un délai de 9 mois pour l'achever. Aubin Nyonguru, bonne gouvernance à présent. Le conseil communal de la communal de Guissosi en province Ngaro a destitué l'administrateur de cette commune lors de la session extraordinaire de ce vendredi. Les membres de ce conseil communal ont accusé cet administratif de mauvaise gestion. Une décision prise pour mettre sur les rails la commune, selon le président du conseil communal, Laurent Dicourio, pour plus de détails. La décision du conseil communal de Guissosi en province Mwaro de destituer l'administrateur communal Célestin Singirankabo a eu lieu ce vendredi 30 septembre 2016 après le constat qu'une réunion pour la troisième fois au cours de cette année qui était prévue le 23 septembre n'a pas pu se tenir. Cela a été causé par le fait que les membres du conseil communal issus du parti CNDD-FDD, le parti dont l'administrateur est membre, s'étaient absentés parce que les invitations ne leur avaient pas parvenu à temps. Les membres du conseil communal ont constaté que c'est l'administrateur qui était chargé de la distribution de ces invitations. Le président de ce conseil communal, Gérard Ndouayo, a indiqué que la confiance en cet administratif diminue progressivement. Un des membres du dit conseil communal a proposé que la question relative à l'administrateur communal soit vidée une fois pour toutes. Ainsi, se basant sur l'article 34 de la loi communale disant qu'en cas de désaccord ou de crise de confiance entre le conseil communal et l'administrateur, 2/3 des membres du conseil communal demandent par un écrit au président du conseil la convocation d'une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance de l'administrateur. Une lettre a été adressée, séance tenante, au président du conseil pour demander la tenue de la dite session. Par après, cette session extraordinaire a été convoquée. Lors de celle-ci, l'administrateur a été accusé de plusieurs manquements, comme le fait de ne pas avoir fait construire une école de métier à Toué, alors que les matériaux donnés par la présidence étaient disponibles, le manque de bonne gestion de la commune, le fait de ne pas donner des rapports à l'administration provinciale, le fait de ne pas payer à temps le personnel communal, le manque de soins à l'égard des ressources de la commune et bien d'autres ont été accusés à l'administrateur. Ce dernier a été destitué lors d'un vote par les membres du conseil communal par 14 voix pour et une voix contre. Il a été remplacé par le conseil technique chargé des affaires administratives et sociales pour un délai d'un mois avant l'élection d'un nouvel administrateur. Dumoaro, Laurent Dikourio, Radio Sanganiro. Laurent Dikourio, une courte pause avant d'entamer la page Droits de l'Homme. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le gouvernement du Burundi rejette en bloc le contenu du rapport récemment analysé par le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Dans une conférence de presse animée par le ministre des droits de l'homme ce samedi, Martin Ndjabandi dit que ce rapport contient du mensonge. Suivez plutôt Martin Ndjabandi. Et au niveau du gouvernement, il fallait présenter nos arguments, démontrer noir sur blanc que le rapport contenait beaucoup de mensonges. Le rapport a été soumis pour analyse. Et comment ça devait se passer, c'est qu'au niveau du panel, il y avait les experts, il y avait le gouvernement, mais aussi il y avait la société civile. Et après, on a donné l'occasion à différents pays, qui soient membres du Conseil des droits de l'homme ou pas, pour s'exprimer sur le rapport qui avait été soumis. Mais aussi le gouvernement a pris le ferme engagement d'appliquer les recommandations qui vont dans le sens d'améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. On a parlé des contre-vérités. Quand vous arrivez à affirmer que le président de la République dispose d'une maison, on torture les gens, nous les avons montré qu'ils avaient dépassé les mandats d'un expert. Et 35 pays ont pris la parole et se sont exprimés. Bien entendu, ils s'expriment différemment. Il y a ceux qui soutiennent le rapport, il y a les autres qui sont sceptiques, qui voudraient avoir plus d'explications. Il y a d'autres aussi qui sont contre le rapport. La société civile aussi a donné sa version des faits. Et ce que nous avons déploré, c'est que la société civile est multidimensionnelle, se présente sous plusieurs facettes. Et aussi avoir les propos de la société civile qui était représentée là-bas, c'était une partie, mais malheureusement, qui prenait l'option d'une opposition radicale. C'était le ministre des Droits de l'Homme, Martin Nivzavandi. La difficulté d'accès aux soins de santé est l'un des problèmes qui hantent les personnes de troisième âge en province de Muyinga. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, les organisations de soutien à cette catégorie de gens demandent au gouvernement d'adopter une politique de gratuité de soins envers ces personnes, n'est-ce pas, Dieu de Nzema? Paskazi Balgensabe, septuagénaire de la colline Mokoni, vit seul. Passer une nuit sans trouver de quoi manger est chose habituelle chez cette vieille maman qui rend pourtant grâce à Dieu pour avoir duré longtemps. Devant la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Muyinga où elle venait prier à l'occasion de la journée internationale dédiée aux personnes âgées, Paskazi évoque un des grands problèmes qui les hante, être incapable de se faire soigner. Sa carte d'assistance médicale, CAM, a perdu la validité lors de la sélection des vulnérables bénéficiaires de telles cartes. Octroyée par certains bienfaiteurs, elle a été mise de côté. Même situation pour Goyo Zegakoga d'environ 80 ans. Nicodème Chiza, 76 ans, présente des abcès sur la tête. Lui aussi n'est pas capable de se faire soigner avec regret. Il rappelle qu'il devrait être assisté par ses deux fils partis à Bujumbura. Général Ndaruzenze de l'organisation Ulisanze, militant en faveur des personnes de troisième âge, demande au gouvernement d'adopter la gratuité des soins de santé envers cette catégorie de vulnérables. Des hospices devraient être érigés pour héberger les vieillards sans assistance de plus en plus nombreux, d'après la même militante pour les droits des personnes âgées. Sur un total de 416 individus de plus de 60 ans, identifiés sur 4 collines de la commune Muyinga, 53 sont des indigents. Dieu de Nzeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana. Je vous le disais en titre, les retraités militaires ne bénéficient pas depuis 1991 leurs indemnités de pension, leur cotisées par le ministère de la Défense des Anciens Combattants. Mafounente Gabriel, président de l'Association des retraités militaires et leurs familles, le dit au moment où le monde célèbre la Journée internationale des personnes les plus âgées. Il demande que cet argent soit donné aux vrais bénéficiaires. On l'écoute. Le ministère de la Défense a décidé de cotiser pour tous les militaires sans distinction de catégorie à l'INSS pour la pension, pour pallier aux insuffisances de la pension que la fonction publique donne aux fonctionnaires. Avant de cotiser à l'INSS pour la pension, le ministère de la Défense et l'INSS se sont mis ensemble. Le ministère de la Défense a exposé la situation sociale des militaires. Il a dit à l'INSS que les militaires en matière de pension, les militaires bénéficient de la pension de l'État dès qu'ils atteignent l'âge de la retraite statutaire de leur catégorie. En plus, quand le ministère de la Défense commencera à cotiser à l'INSS pour les militaires, ils auront aussi cette pension de retraite à l'INSS. Donc, l'INSS doit aux militaires en retraite deux pensions. La pension de l'État et la pension de retraite à l'INSS parce qu'ils sont affiliés à l'INSS. Mais l'argent destiné à payer la pension des militaires en retraite se trouve à l'INSS jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand cet argent arrivé sur le compte? Depuis 1991. Jusqu'à aujourd'hui, l'INSS ne donne pas cet argent aux militaires retraités. Même ceux qui vont partir demain ou après-demain, quand la situation ne change pas, ils n'en auront pas. Et quelle est la destination de cet argent? On ne sait pas. L'INSS en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'INSS donne la pension de retraite des militaires, la pension de l'État et la pension de retraite parce qu'ils sont affiliés à l'INSS. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons maintenant du média. La liberté de presse est assurée au Burundi malgré la persistance de quelques problèmes. Cette déclaration est du président de la République lors de l'ouverture officielle ce samedi de la radio Iser FM, émettant depuis la ville d'Urumonge. Correspondant signé Jean-Pierre Messago. Dans une interview accordée à la radio Iser FM après son ouverture officielle ce samedi, le président de la République, Pierre Nkurunziza, s'est exprimé sur la liberté de la presse au Burundi, un sujet controversé. Selon lui, la vérité est unique. La liberté de la presse est une réalité au Burundi. En effet, selon le président Nkurunziza, les organes de presse au Burundi sont régis par une loi, laquelle loi a été promulguée après avoir consulté les intéressés. Par ailleurs, pour Nkurunziza, des journalistes sont regroupés en syndicats et organisations de presse pour promouvoir leur métier. Selon le président Nkurunziza, il n'y a aucun métier au monde sans problème. L'essentiel est que ces problèmes trouvent solution. Ce médium, officiellement ouvert ce samedi, a commencé à émettre depuis le 14 juillet 2016 à partir de la ville d'Urumonge. Cependant, aucun journal en français n'a été jusqu'à présent présenté. Jean Bosco Kabura, directeur de cette nouvelle station, dit que le manque du personnel qui avait été à l'origine de cette situation a trouvé solution et que ce journal est pour bientôt. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misag. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons éducation. La capacité d'accueil dans les écoles à régime d'internat en province de Bubanza est déjà largement dépassée, ce qui cause des problèmes d'hébergement et de ration des élèves selon différents directeurs de ces écoles. La plupart des élèves sont obligés de s'acheter des matelas en plus du Minerval et d'autres matériels scolaires. Le reportage est signé Space Caritas Cavagnana. À l'Itab-Gihanga, par exemple, on y dénombre plus de 600 élèves, alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas 300 personnes. Le directeur d'internat parle de 50 matelas seulement. Les élèves sont obligés actuellement de s'acheter des matelas. À l'Itab-Gihanga, on ne dispose que de 100 matelas pour plus de 1000 élèves, selon les responsables de l'école, qui précisent que ça fait 15 ans que le ministère ne distribue pas de matelas. Au lycée Bubanza, le directeur indique qu'il n'a que 70 matelas pour plus de 800 élèves. Ceux qui ne parviennent pas à s'acheter des matelas sont obligés de dormir avec les autres à 3 ou à 4 sur un petit matelas de 0,90. Au lycée Bukinga, en commune Musigati, le directeur de l'école dit qu'il dispose de 106 matelas pour 600 élèves. En plus du Minerval et d'autres matériels scolaires, les élèves sont actuellement contraints de s'acheter des matelas sur toutes ces écoles à régime d'internat, ce qui cause des lamentations chez les élèves et chez les parents. Pour toutes ces écoles, on enregistre également d'énormes dettes envers les fournisseurs de vivres, puisque la part de l'État de 800 francs par élève et par jour n'est plus suffisante. Radio Isanganiro. C'est sur ce reportage de Space Caritas Cavagnana que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoye pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Nous vous souhaitons de passer bonne soirée et bonne nuit chez vous. Au revoir.